Sasha. Another song. Yes, it was very a pleasure for me to be here, but I am fucking stressed. Thank you. The next one is about a city in France we call Berck. Yeah. Du vent et des fauteuils roulants, des mouettes, des phoques et puis des cerfs-volants. Bienvenue à Berck, bienvenue à Berck, Berck. J'ai eu un accident, la roue avant s'est décrochée. J'ai eu un accident, le camion est fichu. Toute la pluie tombe sur moi, je me fais aboyer dessus. Les chiens sont pas ce qu'on croit, bienvenue à Berck. I've got a spine in my and hurts my foot. For the next one, I have the pleasure and the big honor. Let me introduce the most impressive singer that I ever met, Violette. From Deadwood. Yeah. Oh. saison. Okay. Now the next one is about shopping. An afternoon while I make shopping. It's a really good one. On a rempli une voiture et on allait faire du shopping. Ah non, non, non! On a été à la recyclerie et puis à son tracant et à Jiffy aussi. Et après Jiffy, on a été à un endroit qui s'appelle C'est la fête. C'est la fête. Pourtant on a continué, on a été à Action, et après Action, on a été à Jiffy, après Jiffy on a été à Super U, putain Super U. Ok, une autre, c'est la fête. C'est quoi après? Ah ouais, c'est celle-là. Et je vais mettre quoi? Ça. Ok. D'un indien Merci. Thank you. Bah une autre alors. C'est quoi après? Ok. Oh. Wow. Taco au son quelque part. Taco, tu check the sound. Yes. Ouais. I work. Excellent. Je le referai plus tard. What's the song you say? La vie, la mort, la vie, l'amour, la mort, la vie, la mort, la vie, l'amour, la mort, la vie, la mort, la vie, l'amour, la mort, la merde, toujours. La vie, la mort, la vie, l'amour, la mort, la vie, la mort, la vie, l'amour, la mort, la vie, la mort, la vie, l'amour, la mort, la merde, toujours. Je t'emmerde. Thank you again. You're beautiful. C'est quoi? Alors la prochaine, c'est une chanson. It's talking about jealousy. It's called Loser. I talk about me, of course. Voilà. Tout ça, je suis pas souvent humain, intelligent. C'est dommage ce cerveau qui fait si mal au cœur. Qu'est-ce qui me pousse tant à blesser le bonheur? Tout ça, je suis pas souvent humain, intelligent. Qu'est-ce qui me manque au fond? Qu'est-ce que j'attends vraiment? Je me fabrique des peurs que je nourris bêtement. C'est tout un savoir-faire pour en avoir du temps. Je sais, c'est une erreur. Oh là là, c'est navrant.